Étant donné que le compte à rebours est enclenché pour la 14e édition du Trois-Rivières Metal Fest, je reçois cette semaine un des grands Manitou de cette organisation, mais aussi mon ancien et fouteux de troubles d'indiscipliné et de grossiers assistants, dresseur de petits singes bizarroïdes et celui surtout qui me casse le plus les couilles, Jeff Hull. Mais si je dois souffrir de sa présence, j'aurai au moins le plaisir de passer quelques instants agréables avec les membres de Genetic Error, formation trifluvienne qui reprend du service pour le Metal Fest après pratiquement 20 ans de mutisme. Je vous présenterai aussi un extrait du nouvel album de Moonspell Instant. Si la camisole de force n'est pas obligatoire par la présence de Jeff, je devrais être présent la semaine prochaine. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque la présence de son ancien et détestable assistant lui met spécialement les nerfs à vif. C'est moi qui devrais prier pour ne pas y survivre, parce que Jeff est véritablement un enfoiré de première. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Venom. The masses thread from hell, infernal atrocious vengeance. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En ce 10 mars de l'an de Disgrâce 2015, je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h. Et ce soir, exceptionnellement et à mon plus grand désarroi, je suis en compagnie de mon ancien assistant, ce personnage particulier, ma foi, je dirais même peut-être malodorant quelque part, grossier. En fait, qui n'a pas beaucoup de vocabulaire, mais que je réussis à apprécier quand même s'il s'agit de mon ami Jeff Cool. Bonjour, Dr. Pendragon. Il y a longtemps, mon cher. Quel hommage que vous m'avez fait. Ben, c'est vous qui me faites l'honneur de vous joindre à moi. Ben là, on est sur une visite paroisse, comme on pourrait dire. Effectivement, c'est une grande tournée paroissiale, ça, mon cher Jeff. Ben oui, écoute, arrêtez à la radio du canton. Ben oui, la radio du canton. Mais juste comme ça, dis-moi donc, mon cher Jeff, es-tu encore actif au niveau là, de la mairie de ta municipalité, tout ça, puis les promesses électorales quand tu me faisais? Ah, ben, depuis la commission Charbonneau, on se tient tranquille. C'est plus tranquille, ouais. On se demande pourquoi, hein? Eh, mon Dieu, le monde va penser que je suis vraiment maire. De quelque chose. T'sais. Oui, t'es mère, mais mère M-E accent grave R-E. Mère poule. Ah, ben oui. Hein, on est dans le délire. Oui, absolument. Ben écoute, c'est le fun de pouvoir déconner un peu comme ça. Ça faisait tellement longtemps. Ben, il faut dire que tu viens généralement une fois par année pour justement l'occasion du Metal Fest. Oui. C'est d'ailleurs la raison qui t'amène ce soir. Ben, aussi. Entre autres, là. Mais je pense que ça te faisait plaisir de venir faire un tour à radio. Ben oui. Tu sais, écoute, là, c'est toujours bien le fun de venir à radio puis de revenir à nos anciennes amours, parce qu'on parlait de ça, je pense que c'est 2003-2007 que je m'avais fait. C'est 2003-2007, que j'étais ton co-animateur pour tous les semaines. Alors, tous les mardis, effectivement, ça a toujours été le mardi. Sauf l'été, là. Ben, l'été, il y avait toujours une petite pause là, de ma part aussi. Ouais. Là, fait que, mais écoute, c'est pas mal le fun. À un moment donné, ben, la vie fait que tu manques de temps, tu manques de... Ben, écoute, c'est normal. Là, écoute, puis là, tu m'as remplacé chance. Par d'autres, puis là, je l'ai mal pris. Puis ben ça, je le sais, mais ça... J'étais un petit enfant sensible. Oui, tu étais un petit enfant poule sensible, effectivement. Hey, Jeff, tu es venu ce soir parce que ça va être la 14e édition du Metal Fest. Oui. Puis tu vas nous en parler. Tu nous as préparé des blocs musicaux qui ont rapport avec cet événement-là. Oui. Et en plus de ça, un peu plus tard dans l'émission, d'ici peut-être 30-35 minutes, dans ce coin-là, on devrait recevoir deux membres de Genetic Error qui vont être sur ton build. Oui, le samedi. Le oui. samedi, effectivement. Un retour, je suis bien content qu'on les a eus parce que ben oui, c'est un band fort des années 80, fin 80, début 90. Absolument. Puis, comme tu disais, je pense que ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont plus actifs. Dans quelques mois, ça ferait 20 ans qu'ils auraient décidé de mettre un terme à leurs activités. Puis tu sais, on voit beaucoup de retours de Ben dans d'autres festivals, mais je pense qu'on est fiers qu'on ait un... Mais c'est local. Local, OK, ça n'a pas été un Ben archi-international, mais il y a une fierté d'avoir réussi à les remonter sur le stage, puis que les planètes soient alignées pour que ça marche, parce que, tu sais, je veux dire, des fois, ça donne pas tout le temps. Non, c'est clair. Écoute, comme tu le disais tout à l'heure, les choses changent, les obligations viennent en ligne de compte, on n'a pas toujours le temps de continuer à s'amuser comme on le faisait à l'époque, là. Et pour la génération qui a connu Genetic Error, ils vont reconnaître les vieilles tunes, ça va être le fun, mm-hmm. ça va être un bon clin d'œil au passé, fait que on invite... les anciens tripeux de Genetic Error, les futurs tripeux de Genetic Error au Metal Fest. Tout le monde. Qui va être vendredi le 20 mars, puis le samedi 21 mars, en passant, là, mm-hmm. à la bâtisse industrielle. C'est toujours à la même place depuis plusieurs années. Mm-hmm. Donc, je sais pas si tu veux que je dise... tu te lâches lousse, là. Il y a une partie d'émission qui est juste pour toi. Oui, ben regardez, là. Le 3e Metal Fest cette année, c'est le vendredi... OK, ta partie d'émission est terminée. C'est 20 mars, 21 mars. C'est pas en fin de semaine, c'est l'autre. Ouais. Ça s'en vient très vite. Mm-hmm. On a le vendredi 20 mars, on a God Dethroned, mm-hmm. un retour de pour God Dethroned. Ben oui, absolument. Depuis 2011. Puis là, ils font rien que les gros festivals. Ils sont pas formés officiellement pour faire du studio, c'est pour les mais shows. Mais ils parlent de refaire du nouveau matériel. Pense que Piqueux, c'est revenu. Ils ont fait le 70 000 tons of metal. Puis okay. C'est un très bon band dans le Dead Black. Ouais, c'est du Black and Death, puis ça rentre pas mal. Puis c'est style européen. Là. Mm-hmm. Donc, très content d'avoir God Dethroned. C'est le seul show au Canada qu'ils font cette année. Donc, puis nous avons de la Floride, Terrorizer. Mm-hmm. Terrorizer est un band culte c'est parti d'un side project. Oui, avec Pete Sandoval. Pete Sandoval. David Vincent à l'époque. Oui, qui n'est plus dans le band, là, mais lui, je pense, faisait rien que du studio. Fait que ils ont fait quelques albums, mais ils sont jamais venus au Canada. C'est non, le premier show au Canada ever. Ah oui? C'est la première fois que Terrorizer vient au Canada. Puis je pense qu'on a un festival qui fit très bien pour Terrorizer, mm-hmm. vu que c'est un festival plus extrême. Là. Mm-hmm. Puis c'est du grind death, mais à la Pete Sandoval est là, c'est le maman original, qui est l'ancien drummer de Morbid Angel. Tout à fait. Qui est une machine de drum. Ben, Pete Commando Sandoval. Oui, c'est ça. Fait que on a ben hâte de voir Terrorizer. Même on fait jouer une pièce, Hordes of Zombies. Excellent sur le dernier pièce, album sorti en 2012, je pense. Hordes of Zombies, c'est effectivement ça, je pense, oui. Donc avant ça, le vendredi, on a Critopsy, mm-hmm. qui avait joué au Metal Fest en 2012. Ouais. Mais ça fait quelques années. Puis Critopsy, avec le dernier album, ils sont, comme je dirais, revenus sur la track dans Planète Critopsy. J'ai pas entendu. Je l'ai ici, on va en faire jouer une pièce, mais c'est du Critopsy gaz au fond, là, okay. Mais très bien produit. Fait que. Critopsy, ils ont fait des shows en Europe, et là, ils vont partir pour une tournée US au mois d'avril. Fait que, mais c'est pas un retour de Lord Warm sur cette non, non, non, non, non, c'est... là, je n'ai pas son nom exact, là, mais... Alex c'est... quelque chose, c'est possible, non? On va dire ça plus tard, mais... avant ça, on a Augury. Oui. Augury avait joué en 2010, la dernière fois, au Metal Fest, avec l'année qu'on avait eu Cannibal Corpse. Mm-hmm. Donc, Augury seront là. Augury joue pas souvent. Fait que on est content de les avoir, puis c'est comme un... C'est comme une valeur sûre, on pourrait dire. Matt McGashy. C'est ça, le chanteur de Cryptopsy, c'est... Matt McGashy. Tu le répètes-les? Matt McGashy. Ah, c'est bon. Si tu le dis trois fois, là, tu... Il va apparaître. Tu changes en citrouille. Bon, avant ça, pour les amateurs de old school trash, real trash, de Québec, South Sayer, mm-hmm. qui a tourné dans les années 80, début 90... qui avaient comme pris un petit break, je pense, puis qui sont revenus. Oui, ben, eux autres, c'est un revival d'il y a quelques années. Ben, eux autres, ils avaient joué en 2007 au Metal Fest. Ben, je pense que c'était là qu'ils avaient repris du service. Oui, c'est ça. Fait que là, écoute, ils ont fait un nouvel album. Puis Soul Sayer, ben, c'est toujours... c'est du trash. Les gars, je les mène pas mal sur le scène. Oui. Oh, oui. Avant ça, on a Killitorious, un groupe... je connais pas du tout. C'est un groupe style New School, Dead Technique. Okay. Un peu à la Benny the Massacre. Okay. Avec beaucoup d'harmonie technique rapide. On va en faire un jour justement tantôt. Ça vient de dans le coin de Gatineau. C'est des Ontariens. D'accord. Ben Ottawa. Parce que s'ils sont de Gatineau, c'est des Québécois. Ben là, je dis que c'est parce que c'est un peu mêlant parce qu'il y a un peu de monde d'un bord puis de l'autre. Ah. Fait que là, donc, je... c'est un hybride ontarien. C'est un hybride Québec-Ontario. Voilà. Bon, on... Puis le chanteur, le nouveau. Le dernier chanteur qu'ils ont, c'est Yuri Raymond, le chanteur de On Human, qui avait joué au Metal Fest l'année passée. C'est celui qui a des voix de grenouille spatiales. Là, on a de Victoriaville un groupe qui s'appelle Obliterate, mm-hmm. Qui font dans un genre de deathcore très actuel. Fait que ça déménage pas mal. OK. Ça va être... Puis en ouverture, il y a Outlying de Trois-Rivières, mm-hmm. qui font dans un métal, je dirais, technique progressif. Là. OK. Donc, pour le vendredi, c'est God of Throne, Terrorizer, Cryptopsy, Augury, Saltsayer, Killitorious, Obliterate et Outlying. D'accord. Ça commence à 6 h, les portes ouvrent à 5. Donc, soyez-y. Le samedi, on est très fiers d'avoir mis la main sur Fledged God Apocalypse, mm-hmm. d'Italie. Qui font un voyage en avion spécialement pour faire un show à Trois-Rivières. T'es-tu sérieux? Oui. Donc, après le spectacle, c'est retourne à la maison. Oui, le lendemain. Formation qui donne dans un métal symphonique, dark, assez... Un peu théâtral, un là. Un peu théâtral, oui. Qui, je te dirais, peut se rapprocher peut-être un peu de Septic Flesh, si on veut, dans quelque le genre, part. Oui, ça a tourné ensemble, ces deux bandes-là. Oui. Fait que... donc, Fledged God Apocalypse est sur une montée, moi, je trouve, une pente montante. Il devient de plus en plus populaire. Mm-hmm. Fait que ça va être. En tout cas, là, ça fait quelques années qu'on voulait les avoir. Puis dans cette année, c'est la bonne. D'accord. Avant ça, on a Gorguts. Oui. Groupe originaire de Sherbrooke, mais qui reste un membre original. Oui. Qui vient de Sherbrooke, donc Luc Lemay. Mm-hmm. On a Patrice Hamelin, qui est anciennement de Martyr, qui joue avec, avec Gorguts, qui est un gars du coin. Oui. Sinon, il y a deux Américains pour les, le reste du line-up. Oui. Fait que Gorguts, je pense que même joué avec Origin. Un des membres américains, je pense que joué avec Origin. Non, mais, ouais, mais il n'est plus là. C'était, plus là? C'était, okay. C'était le drummer. Qui était okay. Celui qui a fait le dernier album, Carl Hartson. Mm-hmm. Fait que là, Patrice, il est là permanent. Avant ça, on a pour les amateurs de trash, du old school canadien, Razor. Ben oui. Razor revient au Québec après 4 ans d'absence depuis de 2011. Moi, je les ai vus la dernière fois, c'était en 2005, c'était au Spectrum. OK, toi, tu n'étais pas venu en 2011 au... Non, je les avais pas vus, okay. Mais j'avais bien aimé le spectacle que j'avais vu de 2005. Mais c'était pareil en 2011, fait que au Fofoun, fait que votre humble serviteur avait fait... prestation avec Fuck the Middle East. Ah oui, oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Oui, oui. On avait organisé ça avec Eric Galli pour la venue de Razor. Donc Razor revient en force, crinqué raide. Dave Carlo et sa gang vont être... Ils ont un nouveau drummer depuis le temps qu'on les a vus. Bon, c'est bon de me voyer, j'aimais ça, là. Ouais, mais là, c'est une erreur de ma personne. Moi, je referai pas ça, là, des affaires de même. Vous voyez le docteur Pendragon qui me fouette et qui me... Je t'ai pas encore maltraité, plains-toi pas. Ouais, mais là, je vois, il y a des choses qui se passent. Oui, tranquillement. Là, on a de la France, un groupe qui déchausse, comme on pourrait dire, assez allègrement, c'est Benighted. Mm-hmm. Groupe... Ouais, je t'ai allé écouter ça, ouais. Ouais, puis c'est... non, c'est très bon. Puis là, ils sont en tournée canadienne en ce moment, avec Bukkake. Mm-hmm. Donc là, ils sont plus dans l'Ouest canadien là, en ce moment. Fait que la dernière show de la tournée, c'est le 3e Metal Fest. OK. Fait que on va espérer que le dernier show soit le summum de la tournée. Ce soit la série sur le Sunday. Ouais. Avant ça, on a Genetic Error, qu'est-ce qu'on a parlé tantôt. Mm-hmm. Fait que on va les avoir en entrevue. Ben ouais, on va le temps de parler avec eux autres. Care Chaos seront sur le bill, mm-hmm. un groupe mélodique symphonique de metal. Avant ça, on a un band de black qui s'appelle Ordox, qui justement, c'est mon partenaire Samuel qui joue dans le groupe. Mm-hmm. Théoriquement, je devrais le recevoir en entrevue la semaine prochaine. Oui. Puis c'est même pas une rumeur, c'est vrai. Ah ben c'est vrai, c'est confirmé. Fait que Ordox vont sortir un nouvel album. Mm-hmm. Tu regarderas la pochette, comment que c'est okay. Evil Satan, pas mal. c'est ça claque. Okay. Puis en ouverture, on a Bukkake. Avec le 56... comment je pourrais dire ça? Ben, c'est pas mal le cirque. Ils sont beaucoup, hein? Théâtral. Oui, c'est très... C'est théâtral c'est dans le gore. C'est très cirque sanglant. C'est cirque sanglant, on peut pas dire autre chose. Ouais. Fait qu'ils vont ouvrir à 6 heures. Fait que 5 heures les portes, 6 heures, premier groupe. Soyez-y de bonne heure. Puis là, on peut annoncer officiellement qu'on va avoir un meet and greet. OK. Les deux soirs. Avec les God Dethroned, Terrorizer, Cryptopsy, Augury pour le vendredi. Mm-hmm. Et le samedi, Fletch God, Apocalypse, Gorgoth, Razor, Benighted. Ah, c'est cool ça. Ça va se faire. Tu sais, vous allez pouvoir emmener vos vinyles ou vos cassettes et pièces. Peu importe, poster. Venez faire signer, venez rencontrer les groupes. Ça va être sur un 20-30 minutes, là, mais... Okay. Dans une ambiance joviale et... Ah, ça va être festif. Ça va être festif. D'accord, c'est bien. Ça. Fait que c'est la première année qu'on fait ça, un meet and greet. Ben oui, effectivement, français, c'est la première comment fois. Comment on pourrait dire, séance d'autographe? Rencontre et autographe, si on veut, là, ou quelque chose de genre. Fait que là, pour les billets, si vous voulez avoir une passe pour les deux jours, il faut l'acheter en pré-vente. C'est la meilleure manière pour payer le moins cher pour venir au Metal Fest. Donc, puis les passes sont limitées. Fait que ça coûte 70$ pour les passes. Ça, c'est les deux soirs. Les deux soirs. Sinon, pour un soir, en pré-vente, c'est 40$ et à la porte, c'est 45$. OK. Tout inclus. Fait que les ventes sont au Puce Rock, les deux Puce Rock, London McQuaid, à Trois-Rivières, mm-hmm. Metal Punk. Mm-hmm. À Montréal, c'est le Frisson, Sounds and Stroll. Puis à Québec, Vision Rock et Drummondville, 10 et Curubin. Et si vous voulez l'acheter par Internet, par PayPal, vous allez sur www.3rmf.com. Mm-hmm. 3RMF, comme 3 Rivières Metal Fest. Hey, OK, ça veut dire de quoi, ça, là? OK. Puis en plus, on va avoir un after party au Rockefeller Stage avec le vendredi. Le vendredi, ça va être Alcoolatar. Oui, j'ai vu ça, oui. Soirée trash. Et le samedi, ça va être avec deux bands. T'as Retarnation. Voyons, ça siffle, ça. C'est ton système d'autodestruction, enfin. Ouais, là, ça n'a pas d'allure. Je me demandais c'était qui siffle le même, là, mais je viens de voir. Là. Attends, on va arrêter ça, là, ces sifflages-là. Bon! Hey, là, ça siffle. On créerait qu'il y a un oiseau ici. Il y en a un, là, oui. Dans la tabarouette, là. Je sais pas quoi faire. Bon! Jette les toilettes, là. Mais non! Excusez, ça siffle. C'est le bon Dieu qui m'appelle. Toi, tu pourrais chicaner, là, vraiment. Ouais, ça, il dit des festivals de fous raides, là. Puis, ben, le deuxième soir pour l'after, c'est Retarnation, un groupe de Montréal, mais que Mick Lacroix de Soul of Ignorance joue. Puis, il va y avoir de Sherbrooke, My Fatality. Je connais pas. Bon, ben, tu vas pouvoir connaître ça. Ce sera lequel? C'est, le samedi, c'est des filles qui chantent. OK. Dans les deux groupes. Ah oui? Ouais. OK. C'est une espèce de concept. La fille chante le métal. OK. La fille chante le métal. Donc, c'est pas mal ça pour le Metal Fest. Allez, informez-vous, allez sur Facebook. Ça s'en vient rapidement. Ben, prenez vos billets d'avance. Oui, parce que j'imagine que ça doit avoir tendance à vouloir s'en aller tranquillement pas vite, ça, là. Ça là. Va pas mal tranquillement pas vite, comme tu dis. Ah, c'est le but, n'est-ce pas? Le but. En ouverture de bloc, on a eu juste avant cette intervention explicite de mon ami Jeff, la formation polonaise Vader et la pièce de Light Reaper. C'est tiré de leur dernier album TB et Innie, qui est paru en 2014 sur Nuclear Blast. En fait, les trois blocs, c'était les derniers albums des trois bandes que j'ai présentés. Exodus et la pièce Collateral Damage, tirée de Blood In, Blood Out. C'était également sur Nuclear Blast. Et nous avions ouvert avec la très bonne pièce de Venom, From the Very Death, pièce titre de cet album paru il y a quelques mois en 2015 sur Spine Farm. On va aller en pause publicitaire et tout de suite après, on va aller découvrir une pièce du nouvel album de Moonspell qui est la pièce titre Instinct. Fou de musique. C'est fou, 89.1. Samedi le 14 mars prochain, votre café-bar Le Zénobe est heureux de vous présenter le spectacle de la formation Les Deux Luxes et celle de Benoît Perrault. Pour une soirée rock, garage, teintée de rhythm and blues et de one-man band, soyez au Zénobe ce samedi 14 mars. Le Zénobe, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Les 20 et 21 mars prochains à la bâtisse industrielle, Trois-Rivières Metal, en collaboration avec Long & McQuaid, Lapus Rock et Cifu 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest, 14e édition. 16 groupes sur deux soirs étant vedettes Gorguts, Terrorizer, Cryptopsy, Razor, Godly Throne et Flesh God Apocalypse. Billets en prévente chez Long & McQuaid, Lapus Rock, Metal Punk, ainsi qu'au 3RMF.com au coût de $40 pour un soir ou $70 pour les deux soirs, 45 à la porte, quantité limitée. CD compilation remis gratuitement à l'entrée d'une gracieuseté de Galley Records. Les 20 et 21 mars, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RMF.com. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Fou de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show. Jeff va revenir dans quelques instants et aller faire une petite commission. Mais pas celle que vous pensez, j'imagine. On va y aller tout de suite avec la présentation de la semaine qui s'adresse à la formation Moonspell. Micro qui s'en va. Moonspell, formation du Portugal qui existe depuis 1992. En fait, initialement, le 89-92 s'appelait Morbid God. À la fin 92, ils sont devenus Moonspell. C'est une formation qui donne dans un, gothique metal dark. C'est un petit peu mélangé, si on veut. C'est le 11e album de cette formation, 11e album complet studio. Moi, honnêtement, j'ai trouvé l'album intéressant. Je suis moins fan de musique métal à tendance gothique que je l'ai déjà été. Je lui accorde un 7 sur 10. La représentation est visuelle. En fait, le graphique, la pochette, si vous préférez, est assez particulière, voire, je dirais, assez gore. je la trouve moyenne, honnêtement. Le contenu est correct, par contre. C'est très honnête comme musique. L'enregistrement est bon. Je parle de la qualité audio, bien sûr. Je l'ai trouvé peut-être un petit peu inégal, avec certaines faiblesses au niveau de je dirais, peut-être le tiers de l'album. Peut-être contrairement à Alpha Noir, qui, selon moi, était quand même un bon album. Mais tout de même, je pense que ça vaut la peine de le découvrir. Cet album-là porte le titre Instinct. Il est paru le 6 mars, soit vendredi dernier, sous étiquette Napalm Records. Je vous propose la pièce-titre qui s'intitule évidemment Instinct. Donc, on va aller écouter ça tout de suite et puis on se retrouve avec Jeff après cette petite intervention musicale. veux parler de quoi, toi? Sifflage, je parle du sifflage. Moonspell, pièce titre tirée le dernier album paru vendredi dernier, Instinct. Comment t'as trouvé ça? Oui, c'est une bonne continuité avec ce qu'ils font. J'aime bien ça, Moonspell. C'est sûr qu'ils viennent en spectacle au mois de mai, là. Mm-hmm. Fait que je vais probablement aller faire un tour à tous les fois que Moonspell vienne... À tous les jours. À tous les jours. Wow, c'est pas comme au Walmart, c'est pas un prix de tous les jours. Quoi. Effectivement. Moonspell avec Septic Flesh. C'est un mix qui se fait assez bien, là, avec Conquerors of the World Tour. Bon. Septic Flesh, Moonspell, Death Star, c'est le jeudi. Avez-vous entendu le sifflage encore? Oui, on l'a entendu. C'est jeudi 14 mai prochain à 20h au Théâtre Corona. Au coût de 21,74 et 26,09 plus taxes. La billetterie du Théâtre Corona. Ah, et puis il y a Sepultura qui viennent aussi. Ça va être le fun. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de suivre Sepultura, honnêtement. Là, ouais, mais tu devrais recommencer parce que c'est très bon, Sepultura, là. Je sais pas. Peut-être que je prendrai une chance, effectivement. Tout à fait. Hey, j'ai fermé mon siffleux. Ben, c'est-tu qui sifflait? C'est Mick Nocross, Mick Lacroix, baseman de Soul of Ignorance et de Retarnation. C'est lui, ça, qui t'a envoyé des... C'est un oiseau grindeux qui me siffle. Un oiseau grindeux, wow! Ouais, on salue, monsieur, l'oiseau grindeux. ça va bien qu'une poule. Ouais, il est au faire, là. C'est pas une bosse cour ici, là. Mais ça sent bien ça, je trouve. Non, mais ça, un oiseau grindeux, ça picasse partout, puis ça veut rien faire du trouble. Ouais. Hein? Ouais. En tout cas, on salue Mick, là. Fait qu'on va se voir au l'after, on va se voir. Vous allez pouvoir le voir au Metal Fest, puis y donner votre fond de bière, tu sais. Salut, Mick. Hey, Jeff. Là, il va falloir que je te le rencontre, parce que tu le connais pas. Faut que tu me le rencontres, tu me le présentes. Le rencontrer est présent. OK. Par sa présence, tu me le présenterais, je le rencontrerai. Oui, puis tu vas voir, il va te grainer de ça dans la face. OK, c'est un oiseau picoreur, ça. Oui. OK, j'ai peur de ça, moi. Bon, c'était mon petit côté pour y relancer. C'est pour le picasser. Oui, on picasse. Bon, là, on parlait... Tu nous as préparé un petit premier bloc qui a rapport avec ton Metal Fest, hein? Oui, on a quelques pièces de Ben qui vont être sur le Trois-Rivières Metal Fest qui auront lieu le 20 et 21 mars, donc... Pas en fin de semaine, l'autre. Oui. Fait qu'on va y aller avec Gorguts, Le Toit du Monde. Excellent. Première pièce de l'album Corroded Sand. C'est une excellente pièce. Puis là, ils préparent un nouvel album. J'ai parlé avec Luc Lemay, puis ils sont en écriture. D'accord. Fait que le groupe arrive un peu plus de bonheur à Trois-Rivières pour justement pratiquer avec. Avec Pat Amelin. OK. Puis ils vont continuer à travailler sur le nouvel album. Bonne qui va sortir peut-être l'année prochaine, je ne peux pas dire exactement. C'est une excellente nouvelle. Puis après ça, là, on va y aller avec Razor, avec Cross Me Fool, une de mes très bonnes tunes sur Evil Invader. Ouais, c'est une très bonne pièce. Oui. Ouais. Je savais pas si je mettais Evil Invader ou même Cross Me Fool. Oh, j'ai dit, on va être dans Cross Me Fool. Ouais, là, tu t'es lâché l'os, puis c'est correct. Ouais. Ça, là, ça a sorti en 1985. Ouais, alors que t'avais 2-3 ans. J'ai vu ça live en 86 avec Slayer. Moi, j'ai vu ça live en 85, après un parti de Motorhead, pour le show du dernier 10e anniversaire. Ah, moi aussi. Au Spectrum. Moi aussi. T'étais là? C'est vrai, j'avais oublié. Mais, puis j'aurais manqué des voix s'il aurait joué, si Venom n'aurait pas pris trop de temps pour faire son check. Parce qu'il jouait avec Venom en 85 au Spectrum. Puis cause que Venom a trop pris de temps, ils n'ont pas eu de place. Carlo me l'a dit quand je l'ai rencontré en 2011. Il jouait les deux soirs. Ceux qui ont été au deuxième soir, ils ont vu The Razor. Mais pas le premier soir. Le premier soir, ils ont comme dit ils ont non. Venom sont arrivés avec plein de boîtes de son puis des pétards dans le Spectrum. Une affaire de mon gars. Uh-huh. Moi, c'est ma première fois que je vais au Spectrum. OK. En 85. Là, je vois ça, les pétards après le show. Puis, tu sais, voyons donc, que c'est ça. Puis les boîtes de son, puis tout. Le son était tellement mauvais. Puis Abaddon avec son triple kit de drum. Là. Ah, ouais, il était trois rangées de tomes. Là, les autres shows que j'allais voir, oups, c'était plus basic. Là, c'était plus les shows normales à la D-Rive et tout ça. Puis, écoute, on va y aller. Ça cogne à la porte. En plus, ça doit être le facteur. Là. J'imagine. Bon, on va y aller avec Gorguts, Le Toit du Monde, parce que là, je te parle des mises en scène. On n'est pas sorti de la berge. Fait que, allons-y, Gorguts et Razor. Go! une vanne. Thank you. C'est important d'avoir son sérieux pour ça parce que on appelle l'univers à entrer en nous et on partage. Fou de musique du monde. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Vous êtes geek et vous vous assumez. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante aussi. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait Tech Edition, en plus de la chronique sur les jeux rétro de Samuel Girard et d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 13h à 15h, en rappel les jeudis à 17h. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. La radio CIFOU 89.1 vous invite à une série de spectacles qui auront lieu sur le site extérieur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, dans le Dôme CIFOU, du 17 au 19 mars. Mardi 17 mars, soirée post-rigodon et hip-hop avec À la claire ensemble, Lord Larry Adjust et DJ Martin Côté. Les billets sont en vente sur le site lepointdevente.com au coût de 7$ pour les étudiants et 10$ pour les non-étudiants. La billetterie fermera à 18h chaque jour de spectacle. Les billets restants seront en vente à la porte au coût de 10$ pour les étudiants et 13$ pour les non-étudiants. Laissez-vous tenter et entrez vivre l'expérience ultime dans le Dôme CIFOU. Fou de fraîcheur. CIFOU 89.1. h 11 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. Ce qu'on vient d'entendre avant la publicité, c'est le premier bloc que Jeff nous a programmé pour le Metal Fest, hein? Oui, c'est toi des groupes qui vont jouer au Metal Fest. T'es-tu sérieux, toi, là? Dans un ordre dérisoire et aléatoire. dérisoire! En tout cas, je suis en verbe aujourd'hui. Oui, je vois ça. Et c'est juste qu'il ne fait pas que tes mots, là. Mais... Ben, écoute, je suis pris, tu sais, dans le chapeau, tu prends des mots. Puis... Mais... Tu sais, le jeu, trouver le mot. Oui, ben, tu ne l'as pas trouvé, toi. Donc... Bon, on vient d'entendre Killitorious. Not the Bees. Tu parles d'un titre, mais c'est bon. Ouais. L'album Party Grind. Il y a Party Mix, puis eux autres, c'est Party Grind. Oui, c'est pas mal grind, nous autres. Mais entre le Party Mix et le Party Grind, c'est pas pareil. Ouais. Avant ça, on entendait Augury avec une vieille pièce de 2004 de leur premier album, la pièce Betus de l'album Concealed. Mm-hmm. Fait que c'était un très bon album quand ça a sorti. Ouais, c'était assez innovateur. Ouais, c'est ça. Avant ça, on a entendu du bon vieux trash canadien. Yes. Ouais. Avec Razor, avec la pièce Cross Me Fool de l'album pièce. Evil Invader. Tantôt, on s'est mis à délirer sur le passé historique de Razor. Mais tu sais, Jeff, là, quand t'es là, c'est facile de partir sur le délire. Ah, ben oui, mais je suis là. Puis t'es là, tu l'entretiens bien aussi. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Écoute, ils m'ont laissé sortir là, à soir. Là, mais à mon grand désarroi, oui. Ouais. Puis ouverture de bloc, Gorguts, Le Toit du Monde, de l'album Colored Sand. Excellente pièce. Fait que quatre groupes qui vont être au Metal Fest, ne manquez pas ça. 21 mars. Prochain. Fait que là, on a des invités de marque aujourd'hui. Oui, effectivement. Écoute, c'est quand même. Faut le souligner parce qu'on a deux des membres de la formation Genetic Error. Forme, puis écoute, il faut que je fasse un petit préambule parce qu'à un moment, là, je suis vraiment. Je suis déstabilisé. Ben, pour le monde qui ne savent pas, c'est quoi Genetic Error? Genetic Error, c'est une formation qui avait jour en 87, ici à Trois-Rivières. C'est une formation trifluvienne. C'était un power trio. Qui a été un des premiers bands, je dirais, de faire des crossover, mais d'amener une portion un peu plus progressive dans tout ça, puis d'amener quelque chose de vraiment très différent. La formation a été composée initialement d'André Lachance, Mario Prudhomme et Marc-André Fortin, décédé aujourd'hui malheureusement. Aujourd'hui, on reçoit le guitariste original, soit Mario Prudhomme, et le batteur qui aura succédé à Marc-André, notre ami, M. Stéphane Patry. Messieurs, bonsoir. Salut. Yes, veuillez vous approcher des micros, s'il vous plaît, oui, que certain. Les auditeurs vous entendent comme il faut. Parce qu'ici, on est à la voix, mais à la voix métal. Oui, c'est ça, on est à la voix. Le seul jeu, c'est Pendragon. Oui. Il cloche tout ce qu'il veut. Il ne servira jamais, lui. Ça, ouais. Donc, il n'y a pas de bonheur. Non, mais tu sais, tu t'as pas. T'as, vois, penses-tu que j'écoute ça? Non, ben là, au moins, je n'ai vu rien qu'un bout de la télévision. Je t'écoute ça solennellement, toi. Mais non, pas ça. École. Mario. Stéphane, oui. C'est vraiment cool de vous avoir, les gars. Yes. C'est écoute, moi, on se connaît depuis bien des années. On s'est côtoyés musicalement à l'époque. On s'est côtoyés au niveau de la scène métal, et ainsi de suite. Mario, je t'ai perdu pendant un bon petit bout de temps, par exemple. Oui, j'étais tranquille un bon bout. J'étais bien tranquille un bon petit bout. Mais bon, aujourd'hui, t'es encore actif musicalement, pas juste avec Genetic, parce que t'as aussi ton hommage à Foo Fighters. À Foo Fighters, oui. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois que je t'ai vu, il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Ça marche toujours. Oui, oui, c'est tranquille un peu, là, mais parce que on mettait plus nos énergies sur le Metal Fest, là, mm-hmm. dans cet temps-ci. D'accord. Mais on va recommencer là, tout de suite après le show. Là, on va... Je ne suis pas inquiète pour vous autres. On a aussi, bien, évidemment, André Lachance, qui est un des membres fondateurs. Bien sûr, André ne peut pas être nous, mais avec nous autres. Il nous écoute dans le truck. Parce qu'il est sur la route, oui. Mais on va le saluer. Oui, gros salut, André. Ben oui, André, ça serait le fun que ça aurait été le fun que tu puisses être là, mais on va te voir samedi. Vendredi ou samedi, je ne me rappelle plus. C'est le samedi. Ouais. Moi, il me vient une première question à l'esprit, les gars, pour vous autres. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour reformer le band, du moins pour le Metal Fest? Après, on verra s'il y a d'autres choses. Là. Mais c'était quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mettons que ça fait longtemps là, aussi qu'on n'a pas joué ensemble. Puis c'est un beau trip, pareil, de faire le Metal Fest. Oui. Mais c'est quoi parce qu'au début, on s'était dit, bon, ça fait 20 ans qu'on a sorti le CD. Oui, sur Purple Show. On va entendre des extraits tout à l'heure. On a sorti en 95, donc ouais. En 2015, ça fait 20 ans. Mm-hmm. Alors, on s'est dit, il faudrait peut-être faire de quoi de spécial par rapport à ces 20 années-là qui ont passé, de mm-hmm. dépoussiérer un peu notre vieux stock. c'est ça. Puis, finalement, on a discuté ensemble, tu sais, là, oui, il faudrait faire de quoi, puis ça, là, d'un coup, Jeff, il dit, ben... Moi, j'ai poussé dans le cul à André, un soir qui était chaud, il là. Puis il s'est dit, pourquoi pas pour faire le Metal Fest, fait qu'on dit, je l'ai craqué, j'ai dit, bonnes affaires. Non, mais des fois, c'est comme bon temps, bon moment, là, ben, si je comprends bien, ça veut dire qu'initialement, avant que Jeff vous approche pour pouvoir faire partie du festival, vous aviez déjà commencé à en parler. Oui, on avait déjà commencé à en discuter. Des fois, ça prend peut-être un catalyseur. T'as raison. Exact. On l'a déjà voulu il y a 4 ans, à peu près, qu'on s'était réessayé, on avait pratiqué chez vous. Oui, c'est vrai. OK. Mais on était complètement poche, là. C'est pas comme aller en Bessic. Non, ben là, il m'a dit de quoi, le Bessic, il prenait une méchante débat. Mais là, le Bessic, il roule, là. Ah, le Bessic, il roule. Fait qu'on va avoir un show incroyable. Absolument. Y en a-tu un? Ça devrait être bien rodé. Là. Ah, ben j'imagine, je suis certain. Puis là, en plus, il y a un ajout dans votre affaire. Ouais, on a rajouté un deuxième guitariste. Oui, puis pas n'importe qui, un vieux de la vieille, là. Ben oui, un autre vieux de la vieille qu'on connaît bien, M. Alain Delaurier. Ben oui. Effectivement. Delo. De son prénom. Guitariste. Qui jouait dans Chronicle Disturbance. Ouais, Outrage, Chronicle Disturbance. Puis aujourd'hui, il y a son band à lui, là. Ouais, c'est ça. Excellent guitariste. Chic type aussi, doit-on le dire. Ben oui, c'est pas un gars dur à travailler, ça. Ah non, on a bien du fun, en tout cas. Ouais. Mais initialement, dans vous trois, là, Mario, Stéphane, André, y en a-tu un qui hésitait un petit peu plus que les autres? Y a-tu un des trois qui a été plus dur à convaincre? Pour que ça reparte. Ben, je pense pas, non. Non. Ça serait gênant de dire à la radio, pas. C'est moi qui tu sais, qui... Ben, c'est moi non, qui... Ben, ça prend... non, mais ça peut être pour n'importe quelle raison, non. Manque de temps ou quoi que ce soit, là, ouais. Non. Quand... C'est pas mal tout. OK. C'est la même longueur d'onde, là. C'est sûr. Quand on a pris la décision de faire le Metal Fest, là, c'était une source de motivation, en tout cas, additionnelle. Ben, j'imagine, oui. Assez importante, là. Fait que. Je t'aurais dit, veux-tu faire un show stage pour un festival de briques en blanc, là, ouais, tu fais offrir une coupe de hot dog avec ça, puis. On y aura peut-être repensé deux fois, là. Non, mais l'affaire, vous savez pas, c'est que vous jouez pas au Metal Fest. Vous jouez à l'after. Ouais, il y avait un détail qui était au bon, il manquait ce détail-là. Mais non, c'est Mick qui fait l'after avec Returnation. Ouais, il est ton Pivot Grinder. Il va encore me texter plein d'affaires, mais là, je l'ai fermé. T'as fermé ton sifflet, là? Mon sifflet Picasseur Grind 2. OK, c'est bien. C'est le vendredi, ça, le... L'after? L'after, il y a le vendredi. Les deux soirs. Le les deux soirs. Ouais. Puis ouais. Les mecs, ils jouent le samedi. Puis ça, vous jouez samedi. Non, on va faire un échange. Le mec va venir. Faut pas que je dise ça. Il va m'appeler. Hey, mec, je veux jouer au Metal Fan. Hey, les gars, c'est le fun, ça, décider de reprendre du collier. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est que je viens de savoir, vous avez décidé de reformer le band avant même d'avoir un offre pour le Metal Fest. Est-ce oui. que ça suppose de dire, on forme le band pour de quelque chose de sérieux ou c'est juste à l'occasion quand ça va donner pour quelques spectacles? Je dirais plus pour le fun, là, okay. pour l'instant. Oui. Mais tu sais, on ne sait jamais où ça peut nous mener. Non. Mais vous n'êtes pas fermé, là. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais là, parce qu'on tripe vraiment à faire les tunes. Oui, on a bien du fun. Puis là, on s'est dit, on va voir après le Metal Fest, là, on va voir, premièrement, ça va être quoi la réaction, ouais. ça va être quoi le vibe que ça va faire, puis tout ça. Puis nous autres, comment est-ce qu'on va avoir aimé ça, puis tout, mm-hmm. l'expérience, puis tout. Oui. Puis avec le deuxième guitariste aussi, avec Delou, mm-hmm. on ne sait pas, là. Lui, c'est. Ah, oui, je comprends. Là. C'est toujours une question là, de comment ça va. La chimie, comment ça va se passer live. Puis aussi, André, vas-tu être capable de suivre? C'est un vieux bonhomme. Ah. Ouais. Ouais, mais André, il est pas plus vieux qu'eux autres, Jeff. Il a toujours été vieux. Il a toujours été vieux, mais il est plus jeune que nous autres. Ouais, mais il fait du troc. Là. Il cassait la journée longue dans son troc. Il est vieux. André, on t'aime si tu nous écoutes. Ben oui, c'est sûr. Bonne route. Et moi, il vient toujours la même question à toutes les fois que je parle avec des musiciens, un band qui s'est reformé, puis que... Arrête de faire des niaiseries, toi, fatigant. T'es pas sortable. Ou t'es pas rentrable, un des deux. Je vous pose des questions. Oui, on prend ça pour le fun. Je suis d'accord. On va voir après ce qui va se passer. Mais ça vous trotte? Est-ce que ça vous trotte déjà dans la tête de dire, ah, peut-être des idées pour les nouvelles pièces? C'est sûr que... Moi, j'ai un masse de riffs qui traînent là, depuis des années. Là, OK. Puis j'aimerais peut-être ça essayer, tu sais, de ouais. faire de quoi avec ça. Il ouais. okay. y a des tunes que dans le temps, avant qu'on arrête de jouer, qu'ils n'ont jamais été enregistrés. Okay. Ça aussi. Qu'on a en mémoire quelque part dans un tiroir. OK. Justement, ouais, ça m'amène à une autre question. Comment ça a été de se dérouiller de ça? Ben, vous avez jamais arrêté de jouer, là, ça, j'en suis conscient. Là. Mais je veux dire, de reprendre le stock d'il y a 20 ans et de dire, écoute, on reprend ça. Y a-tu des bouts qui manquaient? Y a-tu dire, hey, moi, je me rappelle pas de ce bout-là, t'en rappelles-tu? C'était quoi le processus de remettre tout ça en place? Là? C'était comme un casse-tête au début, maintenant. Mais... Okay. Non, mais c'est revenu vite, pareil. Ouais. C'est revenu vite, parce que quand c'était étonne, veux pas, tu retrouves vite. Ben, je suppose. Ouais. Je suppose. Ouais, mais c'est sûr. Mais on avait tous travaillé chacun sur notre bord, puis quand on s'est réunis, ben là, déjà, on avait déjà toute une bonne base, fait que c'était... Ben moi, je vous demande ça parce que, oui, vous avez un album, il y a 8 pièces enregistrées dessus. Je veux dire, à quelque part, s'il y a un blanc de mémoire, c'est facile de se référer à ça. Mais tu parlais des pièces qui n'ont jamais été enregistrées. Est-ce qu'il y a des 6 pièces-là qui vont être sur le spectacle? Non. OK. Mais c'est des pièces qui ont été enregistrées. Ça va être un survol des 3 enregistrements qu'on a fait. C'est bon. Excellent. Survol des 3 enregistrements qui est Toxic Planet, In Search of Power, puis l'album Superficial qui est paru en 95. C'est bien ça. Ça vous tente-tu qu'on ait justement écouté un extrait de cet album-là? Ben oui, non. La pièce titre, la pièce d'ouverture, Superficial, Genetic Error. Go! Never wrong, because if she had her system, getting all the perceived rage. fantaisie. C'est fou, 89 ans. Fait qu'on a pris nos brosses à la porte de danser jusqu'au petit matin. Vendredi le 13 mars, 21h30, votre café-bar Le Zénob a le bonheur de vous présenter les formations Charrue et Deux Pouilles en cavale. Pour une soirée rock expérimentale aux accents du Lac-Saint-Jean et de la Mauricie, soyez au Zénob pour Charrue et Deux Pouilles en cavale ce vendredi 13 mars au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Monsieur Tremblay, Madame Dubreuil, si je vous ai convoqué à mon bureau aujourd'hui, c'est parce qu'encore une fois, Mathis, cette semaine, s'est amusé, a pris plaisir à faire des blagues sur la surcharge pondérale de sa camarade de classe, la petite Julie. La petite toutoune, là! Mais oui, la petite toutoune, c'est notre voisine! C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi, le 16 mars, venez voir les oranges et les verts s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Fou de folk! C'est fou! 89 ans. ...20h30, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, en compagnie de mon humble personne, moi-même, bien sûr, de mon ex-nouvel assistant temporairement, Jeff Hull, et bien sûr, de nos deux amis invités, soit Stéphane Patry, Mario Prudhomme de Genetic Error. On vient d'entendre la pièce titre de votre album Superficial, qui est paru en 1995. C'est excellent. Moi, je trouve ça encore très bon, très d'actualité. Je trouve que c'était très innovateur à l'époque, et je trouve que ça a encore une sonorité particulière. Je vais ouvrir vos micros, bien sûr. Bon, on parlait tout à l'heure que on a l'ajout au sein de Genetic Error de Alain Deslauriers. Ouais. Alain Deslauriers, qui est un guitariste, bien sûr, qu'on a connu ici dans la région pour Chronicle Disturbance, pour Outrage, ces groupes-là. Qu'est-ce que c'est maintenant? Parce que ça avait toujours été un trio. Qu'est-ce que c'est de l'addition d'un deuxième guitariste au sein du band alors que vous avez toujours mené vos trucs à trois? Ben, ça vient un peu comme peaufiner le son du band parce que. Je faisais toujours les tracks de... Je dobais. Ouais, Return en studio, tu sais. Je faisais la track de... qui marchait en arrière des solos. Puis ouais. Ça. Puis là, puis on a toujours joué à trois live. Puis que... comme j'étais expliqué un peu tantôt, là, mm-hmm. André, fallait qu'il compense un peu avec la base. Puis ouais. On était plus brut ouais. comme son live. Là, je pense que ça va être un peu plus coloré. Fait que dans le fond, ce que tu me dis là, c'est qu'est-ce que vous faisiez en studio... Vous êtes capable de le reproduire live facilement maintenant. Oui, c'est plus facile ouais. comme ça. Là. Avoir c'est plus ça. De présence, puis avoir ouais, plus ouais, de présence ouais. sonore. Oui, c'est ça, très bien aussi. Ouais. Comment ça se passe, cette intégration de Alain au sein du band? Ah, il est pas du monde. Là. Non, ça, je le sais. Il me donne du trouble, ça n'a pas de bon sens. Il est mal poli, en plus. En plus? Ouais, ouais. Tu sais, il parle tout le temps. Ouais, c'est incroyable. Où la parole, ce gars-là? Pour ceux qui le connaissent, c'est toute l'antithèse. Absolument, c'est vraiment l'inverse. Mais comment ça s'est passé, cette intégration-là? Puis en fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le dire? Hey, ben, on va demander. C'est André, je pense. C'est André qui nous en a parlé, puis il a dit, okay. Moi, en parler à Alain. Okay. Il est en train d'embarquer, puis tout ça. Mm-hmm. Tu sais, ça nous donnerait. Parce que le premier démo, quand il est enregistré, il y avait deux guitares. Il y avait deux guitares. Il y avait deux guitaristes. Il y a toujours eu deux guitares. Oui, mais il y avait deux vrais guitaristes. Oui, c'est le premier démo. Le premier démo. Après, on a joué à qui trois. Qui était Stéphane, c'est tout ça? C'était Éric Lacroix. Éric Lacroix. Oui, qui est mort lui aussi il y a deux ans. Effectivement. Puis, c'est ça, il y avait deux guitaristes au début. Mais il y a toujours eu deux tracks de guitare quand même, ces autres enregistrements. Oui. Moi, j'aurais une question. Live, ça a toujours été à trop. Fait que, mais tais-toi donc, toi. Oui, c'est ça. Fait que, il l'a demandé. Le parc quand même. André a parlé à Alain. Puis, ouais. Alain, au début, il disait, oh, pas sûr. Il dit, ça roule pas mal, votre affaire. Puis, okay. Ça, puis il dit, en tout cas, je vais essayer de monter les tunes, tout ça. Puis, on va faire un essai, ouais, si ça marche, ça. Puis, je pense que d'être à la première pratique qu'on a faite ensemble, ça a cliqué. Ça a cliqué. Puis, ouais. Bon, le processus était là. C'est facile, je trouve. Excellent. Ouais. Jeff, t'as une question pour eux autres. Oui, mais à l'époque, vous étiez quand même assez populaire, surtout dans la région, dans les années 80. Ben, Montréal aussi. Ouais, Montréal, vous aviez quand même. On recevait les lettres de partout dans le monde. Un bon fanbase. Aviez-vous eu un contrat de 10? Aviez-vous été capable d'approcher les compagnies 10 à l'époque? On a eu des offres au début, mais je pense qu'on était un peu trop. On voyait peut-être trop grand parce qu'on a refusé des offres que t'aurais de contrat. Tu aurais dû dire oui puis dire au pays, c'est le premier album. Oui, c'est ça. Ça fait une belle carte de visite, mais souvent, ils vont t'arriver. T'avais peur des compagnies. Cinq albums en partant. Des fois, tu signes un pack avec le diable un peu. Cinq albums en partant. Oui, c'est incroyable. Tu m'y fais un peu. Tout à fait, parce que... Écoute, c'est très vrai. On parlait de Razor tout à l'heure. On a écouté. Puis Razor, c'est un peu ça qui les a tués là, à sortir deux albums par année. Là, ça devenait épuisant avec les tournées. Là. Ouais, c'est dangereux de faire ça. Parce que tu manques d'inspiration. Tu n'as plus de ressourcer. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu veux sortir au plus vite. À un moment donné, ça ne va pas bien avec la compagnie. D-Side, ils ont été longtemps à faire des albums de boîte pour finir le contrat. Là, ben oui, tout à fait. Là, ils sont revenus pas mal cadrés. Ouais, mais ils peuvent peut-être plus choisir. Mais vous aviez été approché. Oui. OK. Donc, mais ça, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir fait? Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez cette opportunité-là? Est-ce que vous réfléchiriez sérieusement à accepter? Il y a quelques occasions de même qu'on peut regretter. Oui. Mais en même temps, non, parce que ça a été ça. C'est ça qui est arrivé. Puis aujourd'hui, si on se remet en date d'aujourd'hui, ça arrive, ça, il y a une offre comme ça. C'est-tu, on y considère-tu sérieusement, malgré les obligations qu'on a, puis ainsi de suite? Peut-être plus, parce que l'avenir est pas mal plus courte, là. c'est bien dit, ça, Mario. C'est bien dit. Oui, ça serait quelque chose à considérer, c'est sûr. Là, c'est sûr qu'on y penserait comme il faut. Okay. Mais la différence, quand tu es jeune, tu peux faire le tour du monde, ça dérange pas. Tu n'as pas d'obligation, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de bébé, tu n'as pas rien. Ouais. Quand tu es rendu dans les 40 ans, même à partir de 30 ans, moi, je trouve qu'un band, c'est le cross point. Oui. Si le band n'est pas internationalement bien solide, Ben va se défaire. Ouais, va rester un band de fin de semaine. C'est très rare que tu aies un nouveau band qui arrive et les gars ils ont déjà 45 ans. Oui. C'est généralement nous. Ça finit que c'est pour le fun. En tout cas, c'est la constatation que j'ai faite à longue. Ouais, c'est une bonne observation. C'est la première que je t'ai entendu dire qu'il y a de l'allure d'ailleurs. Bon, ben, tu vois. Écoute, là, c'est le bon côté. Tout vigoureux de tout ça. Tu devrais l'inviter plus souvent, il va aller manger des bons. Ouais, mais c'est ma santé mentale, il va s'en sortir. Envoyer ça par contre. Ben, il m'a invité là, comme le bras, là. Il m'envoie des messages à tous les jours. Oh, il dit rien donc, Jeff. Mais ça sera pas bon pour toi. T'as pas le mental pour me toffer, tu sais. Hé, hey, les gars. Là, c'est le parking. Oui, c'est ça. Il va falloir que nos amis pensent à y aller si ne veut pas se faire taxer par notre municipalité. Mais ce que je voulais dire, c'est que êtes-vous gonflé à bloc pour ce show-là? Absolument. Ben, oui. J'ai bien hâte. Oui, ouais. Parce que moi, là. Oh, c'est... Mais promoteur et titre, c'est 30 minutes, pas 31. Oui, ça, puis c'est un promoteur. Non, ben, on est bien timé. On s'est bien timé, monsieur le promoteur. On s'est bien timé. Oui. Donc, est-ce qu'on on suppose qu'on va entendre majoritairement les pièces qui sont sur l'album Superficial? C'est un survol des trois. C'est un survol des... Ah oui, c'est vrai, tu le dis, excuse-moi. Il va y avoir un peu de chaque. OK, ouais. Fait qu'on va avoir des trucs qui vont être peut-être un petit peu plus hardcore de l'époque. Ouais. On va ramasser avec de quoi de plus... Ouais, ça va sonner un peu plus, effectivement. On s'entend avec Mulroney, ça va changer. Je me rappelais pas de ça. Non, mais c'est vrai, il y a une tonne qui dit ça. Oui, c'est la première du premier démo. Ouais. C'est Brainwash. Tu sais, quand tu dis que c'était Mulroney, le premier ministre, ouais. Ça donne une idée de quelle époque. C'est à peu près ça. Ouais. Puis Jean-Paul II. Ah, il y a une tonne de Jean-Paul II. Ah, ouais, ça, je l'ai. Hey, c'est le fun pareil. Écoutez, on va vous souhaiter le meilleur show possible pour cette retrouvaille entre vous autres sur scène, mais aussi ce revival de Genetic Era. Ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte de voir ça. Merci. Je vous remercie beaucoup d'être passé et de nous avoir communiqué quelques petites informations, puis peut-être des petits secrets qu'on ne sait pas, puis nous dire un peu comment ça s'est passé, ces retrouvailles-là. On va se quitter avec une dernière pièce qui est tirée du même album Superficial, la pièce Right. Moi, c'est une pièce que j'aime beaucoup aussi. Et puis, on se revoit au Metal Fest, messieurs. Yes. Yes, sir. Soyez tous là. Oui, venez. Ça va être bien fun. Merci beaucoup. Salut, moi c'est Alex. Tous les mardis à 21h, j'anime Matière Noire. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre, c'est un rendez-vous. Les 20 et 21 mars prochains à la Bâtisse industrielle, Trois-Rivières Metal, en collaboration avec Long & McQuaid, La Puce Rock et CFOU 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest, 14e édition. 16 groupes sur deux soirs étant vedettes Gorguts, Terrorizer, Cryptopsy, Razor, Godly Throne et Flesh God Apocalypse. Billets en prévente chez Long & McQuaid, La Puce Rock, Metal Punk, ainsi qu'au 3RMF.com au coût de $40 pour un soir ou $70 pour les deux soirs, 45 à la porte, quantité limitée. CD compilation remis gratuitement à l'entrée d'une gracieuseté de Galley Records. Les 20 et 21 mars, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RMF.com. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Fou de diversité. C'est Fou 89.1. Monsieur Jeff? Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Cher contribuable. Écoute, on vient de terminer cette entrevue avec ces deux personnages fort sympathiques et très, très gentils, Mario et Stéphane de Genetic Error. Et on salue encore une fois André qui est dans son camion présentement. Toi, Jeff, on va embarquer avec ta deuxième présentation des bandes qui vont se produire au Metal Fest. En fait, quelques bandes qui vont se produire au Metal Fest. OK, bien là, écoute, on va entendre du Terrorizer, du Saltsayer, du Cryptopsy. Puis en ouverture de bloc, on va y aller avec Flesh God Apocalypse avec Foreshaking de l'album Agony. Premier album, c'est Nuclear Blast. Là. Mm-hmm. C'est cet album-là que moi, j'ai vraiment kické sur Flesh God. C'est vraiment très bon. Vous allez entendre, c'est très... Je n'ai pris une avec bien des orchestrations. OK. Fait que... On va y aller avec ça, là. Pour le reste, on garde Cryptopsy, Saltsayer, Terrorizer, ça va être Horde of Zombies, le dernier album. Fait que. Je vais dire, comme tu dis, on va y aller à l'emporte-pièce. L'emporte-pièce, oubliez pas, Metal Fest, vendredi 20 et 21 mars. Mais on revient avant de quitter. On revient, on va faire un petit rappel. Flesh God Apocalypse, go! Yeah. Mr. Hull. On vient d'entendre Cryptopsy avec Two Porn Torch de l'album Cryptopsy éponyme sorti en 2012 sur Gully Records. C'est assez gros, ça, hein? Oui, regarde, c'est revenu sur la trail, comme on pourrait dire, Cryptopsy. Avant ça, on a entendu Flesh God Apocalypse avec Foreshaking. Ouais. L'album Agony, très bonne pièce mélodramatique. Ou mélodramatique. Oui, oui, oui. Là, on s'en va dans un autre territoire avec Terrorizer. Ouais, du grind. Avec du grind sur l'album, c'est la pièce Horde of Zombies. Ouais, c'est la pièce du dernier album. De, ouais, c'est ça. Fait que c'est sorti sur Season of Mist en 2012. C'est le dernier album qu'ils ont fait. Ouais, c'est puis, excellent. Très bonne pièce. Fait qu'on va se quitter avec là-dessus. Ouais. Puis on vous invite de venir au Metal Fest les 20 et 21 mars. Veux-tu rappeler les points de vente, s'il te plaît? C'est à Trois-Rivières, c'est Long and McQuaid, Puss Rock, les deux Puss Rock, Metal Punk. Et vous pouvez aller sur 3rmf.com pour les acheter en ligne. Puis il y a aussi Québec et Montréal. Québec et Montréal avec Frisson et Sound Central de Montréal et Vision Rock à Québec. Et nous avons 10 et Rubin à Drummondville. Exactement. Jeff, je te remercie beaucoup d'avoir été passé. C'est moi qui te remercie. C'était bien le fun. On va essayer de faire un autre... Oui, il faut s'en faire un autre petit barbecue comme ça. Oui. Ben, c'est moi qui se sens chauffé, mais... ça, c'est normal. Puis c'est ça qui sent bizarre aussi. Fait qu'on se laisse avec Hordes of Zombie Terrorizer. Et évidemment, allez tous vous faire foutre à la semaine prochaine. Ciao! T'es pas poli! Non, je le sais.